Alors, on va continuer à présent les tirages de Béline pour le mois de mars 2022 et nous en sommes à la balance. Alors, que va-t-il se passer? Ou en tout cas, quel est le conseil de l'oracle de Béline pour les balances? Regardons cela. Alors, bon, évidemment, toutes les balances ne vont pas déménager, mais là, ça parle de déménagement. Ou en tout cas, de changement. Changement de maison, changement de travail, ou d'envie de changement. Besoin sans doute de changer d'habitude aussi, hein. Alors, on va voir. Donc, quel est le conseil en tirage plus complet pour les balances 2022? Mars, évidemment, on est sur le mois de mars de toute façon. Oh! Oh là là! Ouf! Eh bien, ami Balance, il y a en effet du changement dans votre quotidien, il y a du changement comme vous l'espériez. Alors, on peut voir ça sur deux plans, parce que ça, c'est le problème quand on fait des tirages généraux. Pour beaucoup de gens à la fois, parce que ben, toutes les balances, eh bien, elles sont nombreuses. Ici, j'ai une proposition de mariage, vraiment, pour les balances qui arrivent. Ou alors c'est vous qui allez faire la proposition. J'ai également, ça peut être sur le plan professionnel également, une proposition de travail. Mais dans tous les cas, c'est excellent. C'est vraiment... Comment? Alors, si vous travaillez, vous êtes marié, vous allez dire, mais moi, je ne suis pas concernée. Si, ça peut quand même être une proposition intéressante d'une nouvelle collaboration ou également d'une nouvelle mission. Donc, ben, écoutez, les balances, voilà, j'ai deux soleils, Jupiter, Vénus, c'est un tirage de grande satisfaction. Donc, bien, vous pouvez sourire parce que ce mois de mars devrait être très sympathique pour vous.